Donc là, regardez par rapport à ce verset. وَمَا يُؤْمِنُوا أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. À la base, ce verset, que la plupart ne croient pas en Allah, si ce n'est en étant associateur, polythéiste. وَمَعَ ذَلِكَ حُذَيْفَةَ n'a pas kafar cette personne-là. Mais il a pris un verset qui parle des kuffars. وَهَذَا مِمَّا يُؤَيِّدْ الْقَاعِدَةَ كَمَا ذَكَرَا الْعُلَمَةَ. Les savants, ils ont cité que الآيات تفهم بعموم ألفاظها ولا بسببها. Qu'un verset est pris en compte par la généralité englobée dans ces termes et non pas pour la cause pour laquelle il est venu précisément. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'est rendu auprès de Ali et Fatima de nuit, ils ont trouvé endormi. Il a dit Afalam tusalliya, n'avez-vous pas fait la salat? Et Ali l'a dit Anfusuna lesat bi aidina. Que nos âmes ne sont pas entre nos mains. C'est Allah qui a voulu qu'on dorme, on ne s'est pas réveillé. Wa daraba an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fakhidhay wa qala wa kana al-insanu akthara shay'in jadala. On t'a pensé qu'ils sont disant l'homme il sert à grand querelleur. Wa hadha hadhihi al-aya à la base sourate al-kahf. Elle est descendue sur les kuffars. Que le kafir le kuffar tout le temps ils font des polémiques pour rien. Pourtant le nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a cité pour Ali. Ali, on sait qui il est Ali. Un grand sahabi, le quatrième des meilleurs sahaba. C'est le mari de la fille du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Fatima. Donc, ça aide à quoi? À comprendre dans le style l'aile avec le Coran que beaucoup de gens ne comprennent pas. Que souvent on aime apprendre des ahadiths. Des ahadiths, parce que ça, la règle concerne les ahadiths également. Des ahadiths ou des versets qui parlent du kuffar et on s'en sert contre les muslimines. Ils disent, mais attends, je ne suis pas un kafir, ce verset c'est pour les mouchidines. On dit, la cause, naam. Mais la généralité, elle englobe tout aussi. Par exemple, combien de ahadiths on prend sur les badis sur'il, les ulama, pour nos ulama à nous, qui savent et qui n'agissent pas? Combien on prend de versets sur les munafiqin, pour les mutadi'a, et akaza? Donc ces versets sur les kuffars sont quoi? Un avertissement pour nous. Les versets sur les ahl kitab, ils sont quoi? Un avertissement sur nous. Donc quand on fait comme eux, c'est quoi notre dalil? C'est les versets qui sont, on parle d'eux. Donc les gens, faut qu'ils comprennent. Lorsqu'on parle d'un verset qui parle de mushrikin, on dit pas de kafar. On te met en garde pour te dire que ce hukm général te concerne. D'accord? Basalen, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَوَلَيْهِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Ceux qui ne jugent pas parce qu'Allah fait descendre sont les kuffars. Ce verset est descendu sur les al-kitab. Il n'impliquait pas la Torah et l'Injil. Et pourtant, ce sont les valables pour les muslimoun aujourd'hui. Et ce verset-là n'est pas propre au gouverneur. Toute personne qui a fait un jugement qui n'est pas celui d'Allah, le verset, par exemple, demain, je ne sais pas moi, ton grand frère, il va faire quelque chose. Et il va juger par autre ordre là, tu sors le verset. Il va pas dire, je suis pas gouverneur, moi. T'es pas non plus un Nasrani, que je sache. Non. Le verset pour te dire que celui qui juge par ce que Allah fait descendre, ce qu'il va faire, c'est du kufr qui peut être astral ou akbar, ça dépend de sa niya. Même si dans le verset, il y a eu une précision déjà avant. Même s'il y a une précision déjà avant. Ça concerne qui? Aux gens de l'islam qui auront du rime et qui n'auront pas appliqué. Ils seront le même jugement qui ressembleront à des ânes. Pareil. Pour dire, comme on dit Ta'ala, لُعِنَا لَذِنْ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدُ وَعِسَانِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَعَصَوَ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَيَتَنَاهُونَ عَنْ مُنْكَرِ نَفَعَلُهُ أَبِيسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. C'est pas يَفْعَلُونَ. Rien d'autre. Bon bref. Que les gens du... Les fils d'Israël ont été maudits sur la langue de Daoud et de Isa. Pourquoi? Pour le mal qu'ils faisaient. Car ils faisaient du mal sans se l'interdire. Ça veut dire que des gens de chez nous, en islam, qui vont faire pareil, sont maudits par les NBA. C'est pas que pour eux. Il y a toute personne qui va venir aujourd'hui et qui agira comme ont agi les fils d'Israël, sont sous la malédiction de Daoud, de Isa et même de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. C'est le même jugement. Ce qui est valable pour eux, c'est valable pour nous. C'est ça le but. Allah, ici, les histoires des NBA avec leur Aqwam. Et le même sahabi, quoi? Pourquoi? Ibratan lana. Hein? Il y a certains ceux-là, une leçon pour ceux qui sont dotés d'intelligence. Par contre, Ta'ala, tout cela est valable pour nous.